Bonjour à tous, il est de retour, il est là, la rentrée de vacances, c'est Corentin dans Ratoufa Jet, dans le Noël Explorateur. Et cette fois-ci, nous irons en Albanie. Je sais, j'avais déjà fait la dernière fois, puisque je faisais le Kosovo, et au Kosovo, il n'y avait pas vraiment d'artistes. En tout cas, quand je dis artiste, je veux dire chanteur, rappeur, j'avais pas beaucoup trouvé, c'est peut-être ma faute. Du coup, je disais, on est en Albanie, on va voir des musiques albanaises, ça se trouve, il y a des doublons par rapport à la dernière fois. Mais cette fois-ci, on verra la capitale de l'Albanie, qui est Tirana, Paris ou Podgorica. Allez, je vous laisse ça, je vous dirai ça dans une dizaine de minutes. Pour l'instant, on va aller voir du côté de l'Albanie, comme je disais avant. C'est Capital T, Fiat Magic, pour Passager 10, sur le Tufa Jet dans le Nouvel Explorateur. Ho pasha jetën, me ty të ngoni, më ngoni sinqerti. Ho pasha jetën, nuk këm dit me trajta, këm thonë vërtetën. Ho pasha jetën, shpesh ty këm dash ma shumë se vetën. Ho pasha jetën, kur jëm këm e ty, për mu s'ka eksistu tjetën. E këm gru edhe numrin e telefonit, edhe shok të mi për ty, këm lonë në nash. Këm bo gjithë shka për ty, këm dalë për vetës, se sëm ka interesu as njo. Kesh frëdzu, ti që kesh frëdzu mundësi. E ti, që të tash, jetë të këqyrve që shme këthigo më për mas. Sa të qëtë ka dash të këtë djali, gabimet jo së ndë fali. Që s'këm sene me thunë zosë bëdi as kam janis. Kë famën se të që ja hubë verën buguris. Ta falja botën e ty shmë jaftoj. Ama për çka je, unë me jos për të fajsoj. O pasha jetën, me ty të mkoni, mkoni sinqeti. O pasha jetën, nuk këm dit me trajta, këm thonë vërtetën. O pasha jetën, shpesh ty këm dash ma shumë se vetën. O pasha jetën, kur jëm këm e ty për mu s'ka eksistu tjetën. Je konë që t'ska për mu, e ta shi vis nesh kur gjo ma shumë. Je konë që t'ska për mu, e ta shi vis një pic kur gjo ma shumë. Kur gjo ma shumë se kujtime, kur gjo ma shumë se dash një dash. Mira pa limite. E ti më ktheve me trati pa ndjenja. Ndjenja. Si me poso gullën vena. Ka dhe më nuk kthena. Jo s'kthena. Lek të tema, lek të stila, lek të skena. Skena, qa me hukku. S'ki nevoj me mëndu për mu mu. S'ki nevoj me shpëzuën mu jo. Ke mëndu që nuk bje nuk shën. Je konë që s'ka për mu. E ta shqivis një shkur gjë ma shën. Je konë që s'ka për mu. E ta shqivis të bish kur gjë ma shumë. O pasha jetën, me ty të mkoni, o mkoni sinqeti. O pasha jetën, nuk këm dit me trajta, këm thonë vërtetën. O pasha jetën, shpesh ty këm dash ma shumë se vetën. O pasha jetën, kur jëm këm e ty për mu s'ka eksistu tjetën. C'était Capital T, Fit Magic, sur Radio Fat Jet pour Passager 10. Allez, en avant pour la seconde musique de l'émission, mais juste avant ça, je vous donne mon compte Instagram, mon pseudo plutôt, mon pseudo Instagram, c'est Aven, petit a, v, trait du bas, e, n. Je répète, Aven, petit a, v, trait du bas, e, n. Et ma photo de profil, c'est un pull avec un aigle dessus, un pull noir avec un aigle dessus. En avant pour la seconde musique de la radio, enfin surtout la seconde musique de l'émission plutôt. Parce que Radio Padjet, ça fait plus de 30 ans que c'est à Nancy. Allez, seconde musique de l'émission de radio Le Nouvel Explorateur, c'est Doretta Dora pour Cash Cash. En avant. Stop, y'a tout m'chit, pay controls. Spot, pèse le courge, je peux te pregoyer. Pas de parasémianiste, que ça y loye. Sous ta chmédite, mais con qui pou. Y'a même nous à l'aide, mais j'goûte à yo vette. C'est mon que fûte, on a pète. Ça m'a yon, mais moustache. Y'a l'homme, les aimants. Des bouches de rani nost. Vais-je courge, je s'm'ke boté, j'a mouille, me beau, pas qu'me dost. But don't find my malone, I'm a one, if I no come. Problème, t'y est quand, j'a ta one, if I no come. Se di ku jem su, ama jo me këtë qik. Jo me këtë qik, jo, jo me këtë qik. Se di ku jem su, ama not with this chick. Not with this chick, not, not with this chick. Se di ku jem su, ama jo me këtë qik. Jo me këtë qik, jo, jo me këtë qik. Se di ku jem su, ama not with this chick. Not with this chick, not, not with this chick. Sa di kesh, kesh, kesh, veç ki mu këtë. Cukaj të unë. chick. Yo, make a chick, yo, yo, make a chick. Said dick, who you su, I'm a not with this chick. Not with this chick, not, not with this chick. Said dick, who you su, I'm a yo, make a chick. Yo, make a chick, yo, yo, make a chick. Said dick, who you su, I'm a not with this chick. Not with this chick, not, not with this chick. C'était Dur et Tandoras pour Cast Cash, Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Auparavant, au début de l'émission, je vous ai demandé si la capitale de l'Albanie c'était Tirana, Podgorica ou l'autre, je ne sais plus trop, mais du coup, c'est soit Tirana ou soit Podgorica. Allez, je vous dis ça tout de suite dans 3, 2, 1. La capitale de l'Albanie, c'est, roulement de tambour, Tirana. En plus d'être la capitale politique et économique du pays depuis 1920, Tirana connaît un rayonnement culturel important sur tout le pays, du musée historique de Skanderberg aux nombreux théâtres en passant par ses châteaux et mosquées. Cette ville aux mille facettes émerveille toujours les visiteurs de passage. De l'immense place de Tirana, où l'on peut apercevoir la statue de Skanderberg, on trouve à proximité l'opéra, le musée national et la mosquée Etembay. Tirana donne une image d'une capitale à taille humaine. Alors là, vous allez me demander, mais qui est Skanderberg, Corentin ? Eh bien, les amis, Skanderberg, c'était un seigneur albanais du 15e siècle et considéré comme l'héros national albanais pour sa résistance face à l'Empire ottoman. Voilà, ça vient de Wikipédia. Ensuite, le résumé d'avant sur Tirana, c'était sur le site du Routard. Les amis, j'ai une annonce importante à vous faire. Au départ, je vous avais dit que j'allais faire que des musiques albanaises, mais finalement, ça a changé entre temps. Ne vous inquiétez pas, la seule musique qui n'est pas albanaise, ça sera celle-là. Et l'artiste que nous allons écouter sera aussi présent dans la dernière musique. La dernière musique, c'est Nozzi feat. Raf Camora pour Toto. Là, ça sera Raf Camora pour 5 Inen Dealer sur Dopa Jet dans le Nouvel Explorateur. C'est parti, et avec un clip tourné en partie au Mont-Saint-Michel. Voilà, à l'office de tourisme de la Normandie. Bref, tout de suite, c'est Raf Camora pour 5 Inen sur Dopa Jet. Allez, on voit le son. Sagen bei oder die Wohnungstür zu schließen. Manche dachten dann, ich hole nur kurz Kippen. 12 Jahre später fragt man, wann ich endlich wiederkomme. Drum zeig jeden, der mich kennt, diesen Song. Ich mach das, was ich geträumt hab, schon seit 9-8, als meine Konkurrenten nicht einmal gezeugt waren. Ging nach Deutschland, wollte Neustart. Berlin war hart, es gab nur Beef und Paranoia. Alles, was ich sag, es war gar nichts wird erfunden. Mischte damals Alben ab in 48 Stunden. War schon Ghostwriter, doch verrate keine Kunden. Auch wenn mich paar Bastarde manchmal lieben. Zurück zum Thema, jede Million, die ich verdient hab, ist ne Kugel. Mein Gesicht an der Erfolg hinter die Spuren. Nächster Stopp, Zukunft gesucht und gefunden. Vom höchsten Punkt nach ganz, ganz unten. Sag ihm, das sind keine Zeilen, die ich sing. Ich sing, um zu zeigen, wer ich bin. Ich sagte, wenn ich will, fick ich Rap bis auf die Knochen, wenn ich will. Hab's getan, geh und sag es ganz viel. Win, win, sag ihm, ich hab's geschafft, alles was ich plante. Kam aus Wien ohne nix, ja wie ein Brigante. Mama packt den Cayenne, Schwester packt dein Geld. Nix wert, alle Schwänze. Sie geben dir Millionen, kennen nicht mal deine Texte. Bin independent, hab ne Managementfirma mit meinem Partner, über 40 Angestellte. Gruß an Ronny, ich war Ferrari, elegant und ohne Miene. Neben mir ne Serbin, Bruder, was für ne Maschine. Lies im Forbes Magazin nach, was ich verdiene. Hab das Cover, Bruder, schau in der Vitrine. Zurück zum Thema, sag ihnen, bin im Studio 24-7. Was für All-Inclusive, Urlaub auf den Malediven. Hab alles gefickt, alles für meine Familie und ne Freundin von Adriana Lima. Sag ihnen, keine Zeilen, die ich sing. Ich sing, um zu zeigen, wer ich bin. Ich sagte, wenn ich will, fick ich Rap bis auf die Knochen, wenn ich will. Hab's getan, geh und sag es ganz viel. Win, win, sag ihn, ich hab's geschafft, alles was ich plante. Kam aus Wien ohne nix, ja wie ein Brigante. Mama packt den Cayenne, Schwester packt dein Geld. Sollte ich gehen, dann Schreibt auf mein Grab ja nichts Sentimentales. Sag allen, die mich einmal kannten, ich lebe und bin dankbar für alles. Bin in meiner Wolke. Drum schreibt auf mein Grab ja nichts Sentimentales. Hab alles erreicht, sogar mehr als ich wollte. Darum danke für alles. Das sind keine Zeilen, die ich sing. Ich sing, um zu zeigen, wer ich bin. Ich sag der Welt, ich will. Fick ich Rap bis auf die Knochen, wenn ich will. Was gibt an, geh und sag es ganz viel. Alles was ich plante, Gamos wie nur den Nix, ja wie ein Brigante. Mama packt den Cayenne, Schwester packt der MG. C'était Raf Camora pour Sac Innen sur la Jet dans le nouvel Swatter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce son sur mon Instagram en message Aven, petit A, petit V, barre du bas, EN. Petit A, petit V, barre du bas, EN. Allez les gens, c'est bientôt la fin de l'émission de radio Le Nouvel Swatter. Mais avant cela, on va écouter Noisy fait Raf Camora pour Toto sur la Jet dans le nouvel Swatter. Et j'aurai vraiment une grosse annonce à vous faire à la fin de cette musique. Donc restez, allez, en avant, Noisy, Toto, c'est maintenant Shadow Fadget dans le nouvel Explorateur, écoutez bien. Ich ruf sie an und sie bleibt über Nacht. Kein Foto, kein einziger Snap. Alles zwischen uns bleibt privat. Noisy, Era, Bidos, Togo. Egal welche Chai, Bruder, sie gibt Dodo. Krakau, Boken, Yamamoto. Früher, Nada, heute, Dodo. Sie ist materialistisch, sieht nur mein Geld und ihr Black Maserati. Ist für mich okay, denn auch ich will nur Sex, also halb so dramatisch. Sie ist einsam, ja, sie geht mit Dodo. Sie geht auf und ab wie Gogo. Ich spiele mit der Yo-Yo. C'est du Kurovo, la na na. C'est du Kurovo, c'est du Kurovo, la na na. Shigimi Toto, Shigimi Toto, ya ya ya. Shigimi Toto, Shigimi Toto, ya ya ya. C'est du Kurovo, c'est du Kurovo, la na na. C'est du Kurovo, c'est du Kurovo, la na na. Shigimi Toto, Shigimi Toto, ya ya ya. Shigimi Toto, Shigimi Toto, ya ya ya. Zeig, was ich hab, alles an dir perfekt, ey. Du guckst dir nach und du brichst dir den Hals. C'était Noisy avec Rafa Mara sur Radio Fadjet pour Toto. Et là, je vais vous faire une grosse annonce, même la plus grosse annonce de mon émission. Depuis tout le début, depuis un an, je vais vous laisser choisir le pays que l'on étudiera la prochaine fois. Donc, dans ce cas-là, je vais vous dire ce que vous avez à faire. Vous devez vous rendre sur Instagram. Je vais vous faire un sondage sur mon Instagram, dans une story. Mon Instagram c'est Aven, A-V, petit trait du bas E-N, je répète, tout en minuscule, A-V, petit trait du bas E-N, avec le maillot, avec un maillot noir et blanc, ça c'est un profil de profil. Donc du coup, je vais vous dire les pays concernés. Les pays concernés, ça sera soit l'Allemagne, soit la Bosnie-Herzégovine. Allez, je répète, puisque à mon avis là, vous êtes abasourdi par l'annonce, comme moi, je suis abasourdi là. Donc je vais répéter pour vous et moi. Allez, dès ce soir, un sondage sur mon compte Instagram, tout en minuscule A, V, petit trait du bas, E, N. En fonction de profil, c'est un maillot noir avec un aigle blanc dessus. Ça sera en story, le sondage. Et vous aurez deux fois possible. Soit vous cliquez sur la Bosnie-Herzégovine et ça veut dire que vous voulez entendre la Bosnie-Herzégovine la prochaine fois dans mon émission. Soit vous cliquez sur l'Allemagne et vous voulez entendre des sons allemands et tout ce qui est toute l'Allemagne à peu près. Enfin, on n'aura pas le temps de faire toute l'Allemagne en 20 minutes, mais vous avez compris. Donc ma prochaine mission, cliquez sur Bosnie-Herzégovine. Ça sera ma prochaine émission, ça sera 100% bosniaque. Ou alors, cliquez sur Allemagne. Ma prochaine émission sera 100% allemande. Ya my friend, on fera ça si vous voulez. Ou alors, enfin après, je sais pas trop comment on dit, vis mon ami en bosniaque. Si vous savez, dites-le moi en commentaire ou en message sur mon compte Instagram. Je répète, mon compte Instagram, tout en minuscule, AV, petit trait du bas, EN. Je vous laisse là-dessus. Et la prochaine fois, ça sera l'émission de radio que vous avez choisie sur Radio Fadjet dans le nouvel explorateur. Au revoir.